Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousues main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Élysée 81, une série de Christelle Le Polothek réalisée par Anne Fleury. Au départ de cette série, il y a une furieuse envie de plonger dans les archives et de remonter le temps pour dérouler le récit d'une élection restée dans les mémoires et faire remonter toute une époque. Mais pour ça, il faut se remettre en campagne. Alors pour commencer, les personnages, un président dans la course, un candidat socialiste, 3 femmes sur les rangs, des politiciens professionnels, des vieux professionnels des élections, des colleurs d'affiches et des soutiens à paillettes. Ensuite, le décor, des programmes, des promesses, des alliances, des trahisons, des meetings, des poignées de main, des bains de foule et la course aux signatures. Aujourd'hui, 2e épisode, on écoute le président. J'ai choisi d'ouvrir avec vous ma campagne pour un septennat nouveau. Pourquoi ? Parce que ce septennat nouveau sera dédié à l'avenir de la France et que l'avenir de la France, c'est vous. Pour marquer l'ouverture de ma campagne, je vous demande un instant de silence. Ma campagne est ouverte. La campagne. 10 candidats en course donc, et sur les 10, 9 d'entre eux sont des candidats anti-Giscard. C'est Valéry Giscard d'Estaing lui-même qui l'a déclaré. Le président sortant, qui était à Provins, Reims et Troyes, s'est interrogé sur ce qu'il considère comme une campagne pitoyable que les uns mènent contre les autres et que tous mènent contre un. Parlant des problèmes de l'emploi et de l'économie, il a qualifié de geste historique, sans précédent, l'emprunt franco-allemand annoncé mercredi. Un emprunt qui a fait bondir Georges Marchais. Écoutez, c'était hier à Nantes. Emprunter à l'étranger est d'autant plus intolérable que les patrons français regorgent d'argent, multiplient les profits. Ils multiplient les profits avec lesquels ils spéculent ou qui l'exportent. Un emprunt franco-allemand de ce type constitue, à mon sens, une nouvelle atteinte à notre indépendance nationale. J'ajouterai ceci, c'est que Schmitt, à la rescousse de Giscard d'Estaing, cet aigle à deux têtes, quel symbole ? Décidément, giscardienne ou socialiste, c'est bien la même politique de soutien aux capitalistes. Évoquant cet emprunt, mais aussi l'article de la Pravda sur l'élection présidentielle, François Mitterrand, qui était à Brest, a eu ce commentaire. Brejnev par-ci, Schmitt par-là, tous les moyens sont employés pour impressionner l'opinion française. Moi, j'en ai pas besoin, a-t-il lancé, je suis un homme libre et je n'ai de compte à rendre qu'aux Français. Au 6 rue de Marignan, le QG de campagne de Giscard, ça sent la peinture fraîche et l'eau de toilette Guy Laroche. La campagne électorale de 81 est lancée. Avec, c'est vrai, les mêmes personnages principaux qu'en 74. Mais notons quelques différences tout de même. La crise est passée par là, et les chômeurs qui étaient 400 000 en 74 sont passés à 1 500 000. La droite est plus que jamais déchirée par des querelles intestines, et la gauche ne présente pas de candidat unique. Autre fait notable, c'est la présence de 3 femmes parmi les 10 candidats retenus. 3 femmes qui portent une parole différente au sein de la campagne, alors que, dit-on, le vote féminin sera déterminant le jour de l'élection. Elle s'appelle Maïté Jourdan, elle a 47 ans, elle est au chômage, elle habite Pau, elle préside le comité de soutien aux candidats socialistes. Une particularité, comme elle le dit à Roger Mulet de FR3, elle n'est pas pour autant inscrite au PS. Je ne fais pas de politique, je ne suis inscrite à aucun syndicat, et je suis juste sympathisante au Parti Socialiste. Je pense que j'ai été choisie parce que je représente la femme d'abord, ensuite la chômeuse et la femme qui élève ses enfants toute seule. Ça fait un an que vous n'avez pas de travail. Un an et demi, exactement. Et avant, vous avez occupé aussi plusieurs emplois. Oh, des emplois très précaires et sans sécurité. Qu'est-ce que vous pensez d'un homme comme François Mitterrand, par exemple ? Je pense que c'est l'homme qui peut nous apporter beaucoup de choses à nous, les femmes. Et c'est, pour moi, c'est l'homme du changement. Tout ça vous inquiète pas ? Ça m'angoisse un peu, mais enfin, il faut aller jusqu'au bout. Le jour où on commencera à s'intéresser vraiment aux problèmes des femmes, le jour où on commencera à mettre le doigt dans l'engrenage d'un changement pour les femmes, eh bien cette vieille société-là, elle va changer aussi. Huguette Bouchardeau, PSU, 45 ans. Née à Saint-Étienne, elle est agrégée de philosophie. Elle adhère au PSU dès sa création en 1960. Militante active des mouvements féministes et du MLAC, elle est secrétaire nationale du PSU depuis 1979. Candidate à l'élection présidentielle, elle entend notamment défendre les revendications des femmes. Parce que vraiment, les femmes aujourd'hui sont tout en bas de l'échelle des salaires. Il y a des mots, il faut que notre grammaire française soit aussi tordue qu'elle l'est, pour qu'on continue à dire smicard au masculin, chômeur au masculin. Smicard, ça devrait se dire smicard. 73% des gens qui sont au SMIC, ce sont des femmes. Chômeur, ça devrait se dire chômeuse. 53% des chômeurs sont des femmes, et pourtant, il n'y a, comme on dit, que 40% de femmes dans la population active. Alors si on commençait à se dire droit au plein emploi pour les femmes, rendez-vous compte, ça n'est pas les 2 millions, les 3 millions d'emplois qu'il faudrait créer. C'est bien davantage encore. 6h06. Face au public, mademoiselle Arlette Laguiller. Arlette Laguiller, vous êtes candidate de lutte ouvrière à la présidence de la République. Vous étiez déjà présente en 1974 dans la bataille des présidentielles. La France avait découvert alors en vous une femme très proche des problèmes de la vie quotidienne, bien éloignée des grands discours des leaders politiques. Cela vous a permis à l'époque de réaliser 2,32% des suffrages exprimés, ce qui était, il faut le dire, un excellent résultat. Avec Daniel Brehm d'Antenne 2, François Jacquemont de l'Est républicain, Bernard Michal du Parisien libéré, Pierre-Luc Séguillon de Témoignage chrétien et Bernard Valette de France Inter. Arlette Laguiller, lutte ouvrière. 40 ans, célibataire. Employée au Crédit Lyonnais depuis l'âge de 16 ans. Militante syndicale de longue date, dirigeante de l'organisation trotskiste Lutte ouvrière, elle est candidate au municipal à Paris en 71, aux législatives en 73 et en 78. Elle était déjà candidate à l'élection présidentielle de 74. François Jacquemont, l'Est républicain. Oui, en 1974, vous étiez la seule femme de l'élection. Cette fois, il y en a trois. Alors j'aimerais savoir si cela vous gêne ou est-ce qu'au contraire, vous êtes fière d'avoir fait école ? D'abord, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, il y en a trois. Alors, nous ne serons pas encore suffisamment représentatifs des femmes dans le pays puisqu'elles sont 53%. Mais enfin, effectivement, il y a plus de femmes. Maintenant, moi je dis, il y aura vraiment quelque chose de changé, que le jour où au deuxième tour, eh bien, il y aura au moins 50% de femmes. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque pour vous, celui de perdre les voix d'électrices qui, en 1974, justement, avaient voté Arlette Laguiller uniquement parce que vous êtes une femme ? Je ne sais pas si cela s'est produit. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont écrit pour me dire que c'était formidable qu'une femme ose faire ce que j'avais fait en 1974, mais en me disant souvent « mais je ne voterai pas pour vous parce que ce ne sont pas mes idées ». Je crois que les femmes sont capables en politique de décider politiquement selon, effectivement, ce qu'elles pensent réellement politiquement. Pierre-Luc Séguillon, Témoignage chrétien. Oui, en 1974, une des raisons que vous sembliez donner à votre candidature, c'était que le Parti communiste n'avait pas, lui, présenté un candidat. Vous disiez qu'il fallait que la voix des travailleurs se fasse entendre. Alors, cette fois-ci, il y a un candidat communiste. Est-ce que c'est, comme vous le disiez de François Mitterrand, lui aussi un politicien bourgeois ? La raison en 1974, c'était pas du tout parce que le Parti communiste ne présentait pas de candidat. Moi, je détermine pas ma politique en fonction de la présence ou non du Parti communiste. Nous avons présenté en 1974, et je me présente encore à ces élections, pour offrir effectivement un autre visage de la gauche, qui ne soit pas ni celui de François Mitterrand, qui à mon avis est tout prêt à gérer les affaires de la bourgeoisie, ni celui de Georges Marchais, qui lui approuve l'intervention soviétique en Afghanistan, s'apprête à couvrir peut-être celle des chars russes demain en Pologne, et qui, par exemple, dit la même chose à propos des immigrés que Giscard d'Estaing. Alors il faut offrir un autre visage de la gauche que cette gauche-là. Et je pense qu'effectivement, si des centaines de milliers, peut-être des millions de travailleurs votent pour ma candidature, eh bien je crois que ça sera vraiment un avertissement. Un avertissement aux hommes de droite, à la bourgeoisie, à tous les exploiteurs, et pour leur dire que en votant pour une femme comme moi, une femme du peuple, eh bien les travailleurs en ont assez qu'on les prenne pour des imbéciles. Madame Garraud, bonsoir. Je vous remercie de votre présence à ce grand débat. La coutume est qu'on suppose suffisamment connus les candidats à l'élection présidentielle pour ne pas perdre de minutage à les présenter. Je crois bien, ma foi, que c'est votre cas. Surtout tout de suite. Quand le minutage est court. Surtout quand il est court. Alors je vous présente tout de suite la première question, Patrice Duhamel. Madame Garraud, dès l'annonce de votre candidature, toute la presse écrite, radio, télévisée, a titré Marie-France Garraud sort de l'ombre. Alors je voudrais savoir comment vous supportez cette pleine lumière et si vous ne pensiez pas être plus puissante et plus influente lorsque vous étiez dans la coulisse. Il y a deux questions. Marie-France Garraud, gaulliste. 47 ans, mariée, deux enfants. Avocate, elle est appelée par Georges Pompidou en 67 pour être conseillère juridique. Elle anime avec Pierre Juillet le cabinet secret de la présidence après l'élection de Georges Pompidou. Opposée à Jacques Chaban-Delmas, elle devient la conseillère de Jacques Chirac à Matignon. Elle participe à la fondation du RPR, puis se sépare de Chirac en 79. D'abord, comment je supporte la pleine lumière? Si j'étais un peu ironique, je vous dirais que ça n'est... TF1 m'a laissé le temps de m'accoutumer. J'ai annoncé ma candidature il y a voilà 6 mois sur vos antennes, et depuis ces 6 mois, je n'ai pas eu une minute sur TF1. Ça n'est pas un reproche, c'est une constatation. Alors j'ai eu le temps de m'acclimater, si vous voulez. En ce qui concerne le fait que je sois plus puissante ou moins puissante, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas du tout le problème. J'ai été candidate, si vous voulez, dans une sorte de révolte. Il m'a paru que la situation était telle qu'on ne pouvait pas dire ce qu'on pensait et que personne ne disait ce que j'estimais devoir être dit. Et puis depuis, les choses se sont un peu transformées parce que cet acte solitaire s'est transformé aussi. Depuis, j'ai été mandatée par des élus pour dire ce que j'avais décidé au départ de dire seule. J'ai été mandatée par des élus du peuple français, par des maires et des conseillers généraux pour dire la vérité, parce que c'est pour cela qu'ils m'ont parrainée. Il en fallait 500, 500 m'ont donné leur signature et plus. Il en aurait fallu 1000, 1000 me l'auraient donné. Car dans ce pays, on a encore soif de vérité et soif de démocratie. Oui, Madame Garraud, justement, vous êtes une des rares candidats à avoir donné le bilan politique candidate de vos signatures. Et il y a les socialistes. Il y a de alors, tout. Je voudrais savoir seulement ce qui vous rapproche aujourd'hui de certains élus socialistes quand hier, ils combattaient toutes vos idées. Écoutez, ce n'est pas moi qui me rapproche des socialistes, ce sont les socialistes qui se rapprochent de moi. Le Monde, 2 avril. Jour tranquille à Amboise. La Loire fait la paresseuse. Elle s'étire, s'étale, ébaille. Elle rêvasse. Drôle d'endroit pour un homme qui consacre l'essentiel de son temps à secouer la France qu'il croit assoupie, anesthésiée par le discours rassurant des hommes qui sont au pouvoir et par les illusions, les songes creux dont les bercent ceux qui y prétendent. Monsieur Debré a choisi de passer là le samedi et le dimanche de Pâques en famille. La pâtissière de la rue François 1er, chez laquelle il est allé acheter ses gâteaux dimanche matin, après la grand-messe chantée, accorde plus de valeur, sans doute, à la main qui lui serre l'épaule qu'à un long discours. 3 mots à l'oreille, un bras serré, une pression furtive sur le bout des doigts, et tout est dit. Il a travaillé chez lui à Montlouis, à quelques kilomètres d'Amboise, dont il est le maire depuis 15 ans. Dans l'ancienne étable où il a aménagé son bureau, l'ancien Premier ministre a rédigé, corrigé, relu ses interventions radio-télévisées de la campagne présidentielle. Il y parlera politique extérieure et défense nationale. Campagne en vue de l'élection du président de la République. Monsieur Michel Debré, interrogé par Michel Ferniaud, journaliste professionnel. Michel Debré, gaulliste. 69 ans, marié, 4 enfants. Docteur en droit, diplômé de l'école des sciences politiques, il est chargé de mission pour le cabinet de De Gaulle de 1945 à 1948. Premier ministre de De Gaulle, il démissionne en 1962. Il est élu député de la Réunion en 1963, puis occupe divers postes ministériels dans le gouvernement Pompidou. Il est maire d'Amboise depuis 1956. Bonjour Michel Debré. Si vous êtes ce que l'on appelle un nataliste, n'est-ce pas aussi parce que vous avez le privilège ou la chance de vivre dans une famille heureuse? J'ai la chance de vivre dans une famille heureuse, c'est vrai. Quant au mot nataliste, il est à double sens. Jadis, on appelait nataliste, et on le dit encore aujourd'hui, celui qui voudrait que toutes les familles aient 6, 7 ou 8 enfants. Telle n'est absolument pas ma position. Je défends une thèse que je crois profondément juste. Il faut lutter contre ce que j'appelle le vieillissement de la France, c'est-à-dire l'insuffisance du nombre des jeunes, et il faut lutter pour que les jeunes couples et les jeunes mères de famille aient autant d'enfants qu'ils le désirent. Toutes les enquêtes le montrent, les femmes et les couples en particulier ont moins d'enfants qu'ils ne le désirent. Je suis donc pour une politique familiale, et cela me paraît beaucoup plus juste que le terme nataliste. Michel Debré, que répondez-vous à l'objection inévitable « À quoi bon mettre au monde des enfants pour en faire des chômeurs ?» C'est une affirmation qui a une influence psychologique considérable. Et dans mon courrier, vous le savez, il est très abondant, que de femmes, et que de pères de famille aussi, m'écrivent pour me poser cette question. Sur le fond des choses, il faut savoir que le nombre de jeunes n'est pas en liaison avec la croissance du chômage. Au contraire, Michel Ferniot, les Français et les Françaises doivent savoir que la diminution des naissances depuis une quinzaine d'années ajoute une cause de chômage supplémentaire. Le fait qu'il manque des centaines de milliers de jeunes enfants diminue le nombre des consommateurs de lait, diminue le nombre des acheteurs de vêtements, diminue le nombre d'élèves qui vont à l'école, par conséquent diminue les constructions d'écoles, diminue les emplois de maîtres. D'ores et déjà, nous voyons qu'une diminution du nombre d'enfants dans un pays comme la France a des conséquences sur la production et de ce fait sur le chômage. Mais l'essentiel, pour bien répondre à votre question, qui est d'ordre psychologique, il n'y a pas de renaissance de la vie familiale dans une société d'inflation et de chômage qui fait peur aux familles, c'est vrai. Je vous remercie beaucoup, Michel Debré. Brice Lalonde, vous avez 33 ans, vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfants. Est-ce à dire que vous êtes contre la famille ? Non, pas du tout. D'ailleurs, je ne vois pas très bien le rapport. Pour moi, la famille, ce n'est pas uniquement le couple. Et c'est vrai, chaque fois que j'entends les hommes politiques parler de famille, ils parlent uniquement de papa, maman et un ou deux enfants. Mais moi, je vois que ce n'est pas uniquement ça, les familles. Les familles, c'est beaucoup plus grand que ça. Brice Lalonde, écologiste. 34 ans. Président de l'UNEF Sorbonne en 68, il est exclu du PSU en 76 pour s'être présenté à une élection contre un représentant de son parti. Il lutte contre le projet de voie express Rive Gauche à Paris. En 74, il participe à la campagne du candidat écologiste René Dumont. Il anime ensuite Paris Écologie. Et par exemple, moi-même, c'est vrai que je suis célibataire pour l'instant, hein, mais je vis dans une famille très grande, et c'est une famille très unie, et elle se connaît. Et c'est une famille dans laquelle il y a les oncles, il y a les tantes, il y a les grands-mères, il y a les grands-pères, il y a les petits-enfants, et tout le monde se voit souvent. Il y a même une espèce de petite lettre, une lettre d'information, tous les 3 mois, et puis on échange nos nouvelles, on sait ce qui se passe, qui s'est marié, ce que fait chacun. Donc pour moi, la famille, il faut bien se rendre compte, et je crois que c'est pour tout le monde pareil, c'est pas uniquement les parents et les enfants, c'est quelque chose de beaucoup plus important, ce sont des communautés humaines plus grandes, et on souffre terriblement dans notre pays, et dans les pays industriels, et en France notamment, de cette espèce de rétrécissement de plus en plus grand de toutes les relations humaines. Alors, la famille, disons-le vraiment, c'est pas uniquement un couple étroit, c'est beaucoup plus large, parce qu'un couple de plus en plus étroit, renfermé sur lui-même, au bout d'un certain temps, il s'étiole. Et il faut que, aussi, même pour le développement des enfants, il faut qu'on ait beaucoup plus de relations avec d'autres personnes, il faut qu'elles soient nombreuses. Je crois que le pire peut-être problème aujourd'hui, c'est cette espèce de solitude de plus en plus grande. C'est que les gens ne se parlent plus, ne se voient plus. Et que les familles, c'est pas uniquement les familles même de sang, ce sont des relations plus grandes, ce sont des communautés de voisinage, ce sont le fait que des gens tout simplement se connaissent et font partie d'un même monde. Plus encore que la famille, c'est le thème de l'insécurité qui occupe les esprits lors de cette campagne. Déjà, direz-vous. Il faut rappeler que durant les mois précédents, l'adoption de la loi Sécurité et Liberté, qualifiée de liberticide par le candidat Mitterrand, a provoqué des débats houleux au sein de la société française. À cela s'ajoute bien sûr la question de la peine de mort, alors que 6 condamnés à mort attendent leur exécution dans les prisons françaises. Un chiffre qui ne cessera d'augmenter d'ici la fin de l'élection présidentielle. Le projet de loi Sécurité et Liberté a définitivement été adopté hier par le Parlement, puisqu'après l'Assemblée nationale jeudi soir, c'est le Sénat qui l'a voté hier par 180 voix contre 116. Projet de loi qui ne satisfait pas les socialistes et les communistes, qui ont décidé de saisir le Conseil constitutionnel. Par rapport au projet initial d'Alain Perfit, le Parlement est allé plus loin, puisqu'il a généralisé le contrôle d'identité, modifié le régime de la garde à vue pour le porter de 24 heures à 3 jours, maximum, et substitué aussi la procédure des flagrants délits à celle de la saisine immédiate. Alain Perfit donnait tout à l'heure une conférence de presse, et il a précisé à François Foucart ce qu'il estime être la portée essentielle de cette nouvelle loi. Sécurité et liberté, c'est un texte qui doit permettre une lutte efficace contre la criminalité violente. Les homicides crapuleux, les hold-up, les prises d'otages, les cambriolages, le proxénétisme, les viols, le vol avec violence, les sacs à main arrachés, les attaques dans le métro, etc., etc. Bref, tout ce qui émeut les Français. Depuis 1970, face à une montée inquiétante des actes de violence, de nombreux Français ont peur, de nombreux Français vivent dans la hantise de l'agression. Et ce n'est pas un produit de leur imagination, ce n'est pas un fantasme. Il est exact, il n'est que trop exact, que la criminalité a doublé ou triplé, suivant les catégories, pendant cette même période. Pour lutter contre cette montée, hélas trop réelle, de la violence, et contre le sentiment d'insécurité qui n'est que le reflet de cette montée de la violence, la loi Sécurité et Liberté apporte 4 éléments tout à fait important, tout à fait nouveau, qui étaient les objectifs essentiels de ce projet: la certitude de la peine, la rapidité de la peine, une meilleure garantie des libertés et la protection de la victime. Il y a, depuis avant-hier, nous en parlions déjà hier, 6 condamnés à mort dans les prisons françaises. 6 condamnations à mort en 6 mois, ce qui repose bien sûr le problème de la peine de mort. Invité du crible de Daniel Grand-Clément ce matin, Maître Badinter, qui est lui partisan, vous le savez, de l'abolition de la peine capitale. Ça, Maître Badinter qui aussi va sans doute plaider, enfin s'il y a cassation, les dossiers des 4 premiers condamnés à mort. Vous êtes donc l'un des plus acharnés défenseurs de l'abolition de la peine de mort. Vous sembliez finalement avoir convaincu pas mal de gens il y a quelques mois, puis tout d'un coup on a l'impression que l'on assiste à un échec complet de vos thèses. Pourquoi ? Écoutez, le soir du verdict de l'affaire Patrick Henry, les journalistes m'interrogeaient et me disaient: alors c'est fini la peine de mort, on ne te condamnera plus à mort. Et je répondais en disant: pas du tout, l'abolition est certaine, mais avant que l'abolition soit acquise, il y aura encore des condamnations à mort et peut-être des exécutions. Oui, mais là c'est tout à fait étonnant. Alors, le nombre de condamnations. Non, je répondrai de la même façon. Ce n'est pas parce qu'il y a aujourd'hui des condamnations à mort que nous n'aurons pas moins l'abolition demain. Le vrai problème, c'est pourquoi est-ce qu'en ce moment, depuis 6 mois, nous assistons à un durcissement évident de la répression. Et je crois que c'est très facile à expliquer. Entre le mois de mars de l'année dernière et le mois de septembre, la période octobre, la période à laquelle commence cette vague, vous avez eu la discussion du projet Sécurité et Liberté. Et pendant des mois, on a expliqué aux Français, à grand renfort d'images sur la télévision, vous vous rappelez, le petit bonhomme, le petit délinquant qui devenait énorme, qu'ils étaient constamment menacés dans leur sécurité, dans leur vie. Bon, on leur a aussi expliqué ce qu'était exactement cette loi, ici en particulier, avec des gens qui n'étaient pas pour cette loi. Oui, dont moi. Mais je ne parle pas là des dispositions de la loi que j'ai combattues et que je continuerai à combattre. Je parle simplement de la façon dont on l'a présentée. Il y a eu un amalgame qui est tout à fait significatif et qui est tout à fait détestable. Pourquoi ? Parce que si vous regardez les chiffres de la criminalité tels qu'ils sont, il n'est pas douteux qu'en ce qui concerne la moyenne délinquance, eh bien vous avez une augmentation, et je dirais que nous baignons véritablement dans une société dans laquelle la délinquance est considérable. Mais si vous regardez la zone de la grande criminalité sanglante de profit, c'est-à-dire celle qui est directement concernée avec le problème de la peine de mort, ce que l'on n'a jamais dit aux Français, c'est que depuis 1977, en ce qui concerne les meurtres crapuleux, c'est-à-dire les plus odieux, ceux à propos desquels on parle de peine de mort comme menace dissuasive, non seulement ils n'ont pas augmenté, mais ils ont diminué. C'est un fait, et c'est d'autant plus important que, je le rappelle, en 77, M. Perfit lui-même prônait l'abolition de la peine de mort. Maître, qu'est-ce qu'il faut? Actuellement, les jurés dépassent presque systématiquement les recommandations du ministère public. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce qu'il y a une nouvelle réforme à apporter au système des jurés? Depuis très longtemps, je pense que, avant le début de chaque session d'assises, les jurés qui arrivent pour avoir les responsabilités les plus lourdes qu'on puisse avoir devraient se voir renseignés par le président, l'avocat général, l'avocat, au cours d'un séminaire d'initiation à ce qui est à la fois la responsabilité qui va être la leur, la façon dont les choses vont se dérouler et les données actuelles de la criminalité. Qu'ils se renseignent, qu'ils viennent là informer autrement qu'on ne le fait, c'est-à-dire par le récit des faits divers. Vous comprenez? Moins de sensibilité et plus de connaissance des choses. Je vous remercie. La campagne bat son plein. À droite comme à gauche, les candidats tentent d'acquérir les bonnes grâces des rapatriés d'Algérie, dont les 900 000 voix pourraient bien leur apporter la victoire. De meetings en interviews télévisées, c'est l'heure de l'affrontement, à coups de programmes et de promesses électorales. 8h moins le quart. Parlons clair sur France Inter. Joseph Paltou interroge ce matin Mme Huguette Bouchardeau, candidate du PSU aux élections présidentielles. Finalement, il y aura 10 candidats pour ces élections présidentielles, puisque Brice Lalonde, le candidat écologiste, est parvenu à réunir ses 500 signatures. Est-ce que vous ne vous étiez pas trop vite lamenté sur les misères que l'on faisait aux petits candidats, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas soutenus par une formation puissante, organisée et représentée au Parlement? Est-ce que vous seriez toujours tenté de dire, comme Jean-Marie Le Pen, que l'élection présidentielle est devenue une élection censitaire? Je ne crois pas m'être lamenté. J'ai simplement dit que ce système n'a rien de démocratique, qu'il donne aux partis installés le droit, le pouvoir, de désigner ceux ou celles qui vont entrer dans la campagne électorale, ou alors, mais ce n'est pas le cas en ce qui vous concerne. Ou alors qu'il faut faire, comme nous l'avons fait, un énorme effort de dépenses d'énergie considérables, alors qu'on aurait mieux à faire. Et je crois que c'est quand même la persistance d'un contrôle des partis sur cette élection. Et je crois que ce n'est pas un bon système. Alors voyons la situation. Alors, à gauche, il y a déjà Georges Marchais, François Mitterrand, Michel Crépeau, Arlette Laguiller et vous-même. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup et un risque d'éparpillement des voix de gauche? Quelle raison particulière aurait-on de voter pour vous plutôt que pour un autre candidat de gauche? C'est qu'aujourd'hui, on ne trouve pas un certain nombre de propositions que je crois nous sommes les seuls à faire. Entendez-vous beaucoup parler dans la gauche aujourd'hui d'un refus réel de l'armement nucléaire, sinon par nous? Ce refus de l'armement nucléaire, la gauche l'a complètement oublié. Jusqu'en 77, la gauche était contre la force de frappe. Depuis 77, elle s'est rangée à l'opinion de la droite sur l'armement nucléaire nécessaire. Et aujourd'hui, François Mitterrand est à demander des sous-marins atomiques supplémentaires. Moi, je pense qu'il est nécessaire, indispensable, de proposer une autre solution et un désarmement qui commence quelque part. Alors voilà une caractéristique du programme du PSU. Ça une autre caractéristique, c'est une politique internationale différente et c'est lié à la question que je viens de dire. C'est Mme Huguette Bouchardeau, qui est candidate du PSU aux élections présidentielles, qui était interrogée ce matin par Joseph Paltou. 8h-8. Georges Marchais lui prenait la parole cet après-midi à Lille. Il a rappelé l'essentiel des thèmes de sa campagne et énuméré devant 20 000 personnes ses propositions. Georges Marchais, Parti communiste. 61 ans, marié, un enfant. Né à La Hoquette, Calvados. Il adhère en 47 au PCF, dont il devient le secrétaire général en 72. Il est élu député du Val-de-Marne en 73. En 74, il soutient la candidature de Mitterrand avant la rupture de l'Union de la gauche en 77. Mais ce meeting de Lille a surtout été pour le candidat communiste l'occasion de préciser à nouveau la position des communistes en cas de victoire de la gauche au sujet de leur participation au gouvernement. Monsieur Marchais a voulu plus solennellement que jamais affirmer que c'est ainsi et seulement ainsi que peut se produire le changement. Écoutez-le. Cela, mes amis, oui, c'est impossible sans la participation des communistes au gouvernement. Et je dis bien, car cela aussi, c'est une décision que nous tirons de l'expérience. Et je le redis clairement et franchement à Lille, et que l'on m'entende bien, au lendemain de l'élection présidentielle, nous ne soutiendrons pas un gouvernement sans y participer. Alors, justement, Georges Marchais, hier, vous avez présenté tout un plan d'action sur 2 ans avec une priorité qui est l'emploi. Mais vous êtes d'accord avec moi, il ne suffit pas d'avoir un plan, il faut pouvoir l'appliquer. Alors, hypothèse, vous êtes président de la République et vous voulez appliquer ce plan. Alors, vous êtes obligé de l'appliquer avec le Parlement. Alors, ma question est très précise. Vous allez dissoudre l'Assemblée nationale comme François Mitterrand, ou vous n'allez pas la dissoudre comme Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac? Et quand allez-vous la dissoudre, ou tout simplement vous allez mettre votre plan à l'épreuve, en quelque sorte, des députés? Alors là, ma réponse à cette question est la suivante. Première étape, c'est celle où, installé à l'Élysée, j'ai formé un gouvernement d'union, et m'appuyant sur la Constitution qui donne à ce gouvernement la possibilité de prendre toute une série de décisions par décret, je demande à ce gouvernement, premièrement, des mesures pour satisfaire tout de suite les revendications urgentes et relancer la production sans attendre le vote de nouvelles lois. Alors, tout de suite, nous déciderons le SMIC à 3300 francs, le relèvement des allocations familiales et le versement pour le premier enfant, le relèvement du minimum vieillesse, les mesures pour la garantie effective du pouvoir d'achat des agriculteurs, des revenus des agriculteurs en 1981 et une série d'autres mesures. Deuxième série de mesures. Et les députés des mesures. En vacances. Oui, ça, mais la Constitution donne la possibilité au gouvernement. Sauf si ça coûte de l'argent, parce qu'à ce moment-là, les députés interviennent. Non, monsieur Valette, vous violez la Constitution. La Constitution, relisez-la. C'est pas son genre. La Constitution, elle donne cette possibilité-là. Croyez-moi, je l'ai bien étudiée et je respecte. Vous allez d'ailleurs voir. Deuxièmement, des mesures conservatoires immédiates. Sans attendre les réformes de structure. Par exemple, le blocage des prix pour empêcher l'inflation, le blocage des licenciements et des mesures de chômage partiel, le blocage de toutes les opérations de restructuration en cours, un contrôle rigoureux d'échanges pour empêcher les exportations de capitaux à l'étranger, l'arrêt de toutes les autorisations de sortie de capitaux et mesures de sanctions rigoureuses concernant toutes les formes d'évasion de nos ressources à l'étranger. Mais l'évasion Notez votre point de détail. L'évasion des capitaux interviendra avant que vous ne soyez au pouvoir. Donc, deuxièmement, ces mesures conservatoires dont je viens de parler. Troisièmement, je considère que le gouvernement qui sera en place devra, sans attendre, établir des projets gouvernementaux pour soumettre ensuite à l'Assemblée nationale. Projets gouvernementaux qui, eux, relèvent de la loi. Le gouvernement, là, ne pourra pas prendre de décision, mais il peut élaborer des projets, travailler à l'élaboration des projets. Et naturellement, je dissoudrai l'Assemblée nationale. Au bout de combien de temps, alors, là ? Je dissoudrai l'Assemblée nationale. C'est un an ou deux ans. Non, c'est pas un an ou deux ans, parce qu'on ne fait pas une politique de gauche avec une majorité de droite. Mais croyez-moi, nous sommes fin prêts. Vous le voyez. Enfin, vous avez une idée, là, sur la dissolution. Le gouvernement. Il vous faut un budget, ça se vote. Mais non. Le gouvernement. Vous répondez à mon objection, monsieur Marchais. Je veux aller jusqu'au bout, messieurs. Vous m'empêcherez pas d'y aller. Non, mais on ne veut pas vous empêcher d'y aller, mais on veut vous poser des questions quand même. Vous nous faites perdre du temps. Bah alors, allez-y. Alors, donc, je ne pensais pas vous avoir posé une question aussi importante. Ah, si, elle est très importante. Parce qu'il faut que les Français comprennent bien ça. Donc, dissolution de l'Assemblée nationale, élection, et, j'espère, surtout en tenant compte déjà des mesures que le gouvernement aura prises, que les Françaises et les Français, conséquents avec eux-mêmes, enverront à l'Assemblée nationale une majorité conforme à celle qui m'aura élu président de la République et qui nous permettra de poursuivre la mise en œuvre de l'ensemble du programme dont j'ai parlé tout à l'heure. À 21h30, le soir, le Vélo Bar, un café d'Antony sur la Nationale 20, où se retrouvent habituellement des militants communistes, a déjà baissé son rideau de fer. Une voiture passe rapidement et ses occupants entonnent la lutte finale à l'adresse des 15 jeunes militants RPR qui s'affairent, armés de pots de colle et de balais, autour des grands panneaux publicitaires. Des panneaux déjà alourdis à 3 semaines du premier tour par les affiches systématiquement recouvertes par le Parti communiste et qu'ils collent 3 fois par semaine depuis le jour où M. Chirac a annoncé sa candidature. Est-ce l'effet du pâté vin rouge que Geneviève, une militante plus âgée, a préparé dans le modeste local? À moins que ces militants n'aient été remontés par le point politique du plus jeune membre du comité central du RPR, Brice Hortefeux, 22 ans. Les premiers coups de balai sont vigoureux. Le Monde, avril 1981. Et puis à Lyon hier, il y a eu ce vibrant appel de Jacques Chirac proposant un nouveau souffle pour la France. Si les Françaises et les Français ont confiance en eux-mêmes et dans l'avenir, s'ils ont l'espoir, eh bien leur comportement est tel qu'ils produisent, qu'ils travaillent pour eux-mêmes, pour leurs enfants, et alors l'économie se porte bien. Jacques Chirac, RPR. 48 ans, marié, 2 enfants. Né à Paris, est l'unique fils d'un administrateur de société. Après l'ENA, il fait son service militaire en Algérie et entre au cabinet de Georges Pompidou en 62. Élu député de la Corrèze en 67, il devient premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing en 74 après l'avoir soutenu contre Chaban-Delmas. En désaccord avec le président, il quitte ses fonctions en août 76 et fonde le RPR. Il est élu maire de Paris en 77. Si au contraire, les Françaises et les Français sont découragés, s'ils sont pris par ce qu'on appelle le malaise actuel, s'ils sont paralysés par la réglementation, par l'administration, alors leur comportement s'en ressent. Ils ne travaillent plus avec cœur, avec ardeur, avec courage. Ils se laissent aller. Ils réclament des pourboires à la fin du mois pour terminer leurs échéances. Ils deviennent désassistés et l'économie va mal. Ce qu'il faut rendre à notre peuple aujourd'hui, c'est le goût de l'effort. Ce n'est pas la diminution du temps de travail. Ce n'est pas la diminution de l'âge de la retraite qui réglera nos problèmes aujourd'hui. C'est au contraire davantage de travail pour chacune et chacun d'entre nous, davantage d'efforts, et à partir de là, nous aurons davantage de richesses et davantage de progrès. Des artistes étaient de cette fête politique qui s'est terminée par un lâcher de ballons tricolores et par une vibrante Marseillaise de Lynn Renault. Commentaire de Lynn Renault qui a été ovationné, Jacques Chirac a réveillé la France. Tel n'est pas l'avis de Michel Crépeau, le candidat radical de gauche, qui au cours d'un meeting hier soir à Montauban a commenté lui aussi le discours du Parc des Princes de Jacques Chirac. Michel Crépeau au micro de Jean-Noël Deléal. Quand j'entends Monsieur Chirac, mais j'ai l'impression que mon poste de télévision ne va pas imploser, mais qu'il va exploser. En tout cas, c'est moi qui ai envie d'exploser. Michel Crépeau, MRJ. 50 ans, marié, 2 enfants. Avocat, il adhère au Parti radical en 1948. Il crée en 72, avec Robert Fabre, le mouvement des radicaux de gauche. Élu maire de La Rochelle en 71, il est député de Charente-Maritime depuis 73. Il devient président du MRG en 78, succédant à Pierre Fabre, qui était en désaccord avec la stratégie d'union de la gauche. « Votez pour moi, dit Monsieur Chirac !» Et si vous votez pour moi, enfin, on va supprimer cette horrible taxe professionnelle. Mais mes bons amis, Qui est-ce qui a créé la taxe professionnelle, sinon M. Chirac, quand il était Premier ministre? Et maintenant, il semble parler comme le candidat de l'opposition. Mais de qui se moque-t-on? Fantastique imposture de M. Chirac et de M. Valéry Giscard d'Estaing. Vous ne serez pas dupes, vous les Françaises et les Français, vous les provinciaux comme moi, on a les pieds par terre. Voilà, j'ajoute que durant la durée de la campagne officielle, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, France Inter recevra chaque jour dans Parlons Clair à 7h45 et après le journal de 13h, deux porte-paroles des candidats à la présidence de la République, dont l'ordre de passage a bien sûr été tiré au sort. Enfin, sachez que le 306-13-13, le numéro du guide de l'électeur, est à votre disposition de 9h à 18h pour toute information sur le déplacement des candidats et sur vos droits civiques. 8h08. L'humanité, 7 avril. Tout ce que la Seine-Saint-Denis compte de réactionnaires, de patrons, de PDG et de véritables conservateurs s'était donné rendez-vous hier soir à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, où le candidat Giscard d'Estaing était venu prendre la parole avant de se rendre à Maisons-Alfort et Charenton dans le Val-de-Marne. Avec les supporters transportés là par des autobus venus du Nord et du Rhône, le président était finalement parvenu à rassembler plusieurs centaines de personnes dans une salle choisie minuscule, et dans une ville littéralement assiégée par 27 cars de CRS. Arrivé en catimini par le fort militaire de Rosny, reparti en hélicoptère, c'est décidément de bien haut que M. Giscard d'Estaing sera venu parler aux travailleurs, à une heure où certains n'étaient pas encore sortis de l'usine. François, avril 1981. C'est un impressionnant bain de foule qu'a pris hier Georges Marchais au cœur de la cité des 4000 logements à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Pendant près de 20 minutes, le secrétaire général du Parti communiste, pressé, bousculé de tous côtés par la population qui l'acclamait, a traversé ce gigantesque ensemble d'HLM de sinistre réputation. Georges Marchais a dû frôler les carcasses de voitures gisant sur les parkings, emprunter des allées poussiéreuses plantées d'arbres décharnés, franchir les tunnels noirs de crasse du centre commercial pour accéder enfin à une petite tribune dressée au pied des deux tours les plus imposantes. Sur le trajet, une nuée de gamins s'amusait dans la bousculade à faire des croche-pieds ou à fouiller les poches des militants chargés du service d'ordre. France Inter, le journal des présidentielles. Commençons par les meetings de la soirée. Valéry Giscard d'Estaing était à Marseille. Il s'en est pris au cœur des neuf pleureuses, ses neuf concurrents qui, avant de verser des larmes, a dit le président sortant, des larmes hypocrites sur la situation de la France, auraient pu prendre la précaution de mieux juger les Français et de rendre hommage à leur travail. Et puis, Valéry Giscard d'Estaing est revenu sur le thème de l'union et de l'espoir. Valéry Giscard d'Estaing, UDF. 55 ans, marié, 4 enfants. Né à Koblenz, Allemagne. Il termine Polytechnique en 46, puis l'ENA en 49. Député et maire de Chamalières, puis de Dôme, il est nommé ministre des Finances en 62. En 69, il appelle à voter non au référendum de De Gaulle. Il est élu contre François Mitterrand à l'élection présidentielle de 74. Je suis celui qui veut unir et non pas celui qui veut diviser. Je suis celui qui veut construire et non pas celui qui veut détruire. Je suis le seul à apporter l'espoir. Je veux dire l'espoir raisonnable, celui qu'on a le droit d'avoir parce qu'il procède d'une démarche de la raison et de la conviction et non les chimères. L'espoir fondé sur les réalités, l'espoir à partir de ce que les Françaises et les Français ont fait depuis 7 ans, et que tous dans le monde, -9, reconnaissent aujourd'hui. L'espoir que je propose, c'est de porter systématiquement la France d'ici 1988. Dans le peloton des trois pays les plus avancés du monde, États-Unis, Japon et France. Je suis seul contre tous les autres, avait précédemment déclaré Valéry Giscard d'Estaing. Les propos qui ont été relevés tout à l'heure par Jacques Chirac dans le cadre de la campagne officielle à la télévision Enfant, je n'allais pas me plaindre si je recevais un coup. Soyons sérieux, a-t-il dit. J'ai également le sentiment d'être seul contre neuf et que chacun des candidats est seul contre neuf. Se prononçant pour l'unité nationale, Jacques Chirac a dit encore « Je fais partie de ceux qui, dans notre histoire, préfèrent Henri IV à Louis XV. » Le quotidien de Paris, 25 avril 1981. Et si Mitterrand passait, ce serait dramatique, disent les journaux économiques. Certains d'entre eux tirent carrément la sonnette d'alarme comme au plus beau jour de l'Union de la gauche, ne reculant parfois pas devant la formule du scénario catastrophe. Dans son numéro daté du 13 avril, l'hebdomadaire La Vie française consacrait sa une et cinq pages intérieures à l'après-élection une fois Mitterrand élu. Le diagnostic est sans appel, c'est le chaos. Les banques sont occupées, les étudiants descendent dans la rue où ils retrouvent la technique du lancer de pavé un peu perdue depuis 1968, la bourse voit ses cotations suspendues, le dur Krasucki accède à la tête de la CGT à la place de Segui, parti pour raison de santé, les services publics sont paralysés, la pénurie d'essence commence et les occupations d'usines se multiplient. Bref, ce sera pire qu'en 1936 avec en prime une crise économique de moins en moins maîtrisée. Et La Vie française de prophétiser un effondrement de la cote du président nouvellement élu, ce qui se traduit dès septembre par un vote massif aux législatives en faveur de l'ancienne majorité. Il était temps, le dollar cotait déjà 7,50 francs à la bourse de New York. Mais revenons au présidentiel, à 8 jours du premier tour, les 10 font le forcing, Jacques Chirac continue d'appeler à voter utile le 26 avril, entendez par là qu'il appelle les électeurs à se prononcer pour lui afin d'éliminer François Mitterrand dès le premier tour. Même chose pour François Mitterrand, voter socialiste au premier tour pour battre Giscard. Et puis à Pau, le candidat du PS est revenu sur sa proposition des 35 heures hebdomadaires de travail. François Mitterrand, Parti Socialiste. 64 ans, marié, 2 enfants. Né à Jarnac, en Charente, licencié en droit et lettres et diplômé de l'école des sciences politiques. À 30 ans, est ministre des Anciens combattants. Il occupera 11 postes ministériels sous la 4e République. En 1958, il s'oppose au retour de De Gaulle au pouvoir. Candidat unique de l'Union de la gauche en 1974, il est battu par moins de 425 000 voix contre Giscard aux élections présidentielles. Les 35 heures, c'est une des conditions du développement de notre économie. Et les objections qu'on fait aux 35 heures, ce sont les objections que l'on faisait en 1936 sous le gouvernement de Léon Blum et du Front Populaire, les objections aux 40 heures. Et c'était les mêmes objections que l'on opposait en 1936 et qui étaient celles que l'on opposait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale lorsqu'on a décidé les 48 heures. Et c'était les mêmes objections que l'on adressait avant les 48 heures à ceux qui, avant nous, avaient décidé les 60 heures par semaine. Et oui, quand on avait voulu définir à 60 heures par semaine et à 10 ou 11 heures par jour le temps de travail, la même droite, les mêmes classes sociales, la même bourgeoisie d'argent, les mêmes grands propriétaires fonciers, les mêmes grands propriétaires industriels, les mêmes grands banquiers et leurs mêmes exécutants, les hommes politiques, disaient non. Décidément, la campagne devient en grande partie une bataille de chiffres. Monsieur Giscard d'Estaing, hier soir à Amiens, a accusé les propositions de François Mitterrand de coûter 160 milliards de francs. Il y a 8 jours, a-t-il dit, ce n'était que 140 milliards, mais après quelques rectifications en hausse, il en est à 160. Cela veut dire le doublement de l'impôt sur le revenu. Du côté du Parti Socialiste, vive réplique, tant dans la bouche de François Mitterrand hier soir à Caen, que sur le répondeur téléphonique à l'OPS du candidat socialiste, dont voici un extrait. À l'OPS, bonsoir. Valéry Giscard d'Estaing veut des chiffres. Voici ceux de son bilan. Qu'il sache qu'en 7 ans, il a coûté à la France 1290 milliards, soit 180 milliards par an. Et si l'on devait par malheur en reprendre pour 7 ans, Giscard coûterait aux Français 2135 milliards. Nous disons bien 2135 milliards. Georges Marchais a répondu à François Mitterrand qui avait souhaité avant-hier que les Français votent utile, c'est-à-dire qu'ils votent pour placer leur candidat dans la course du deuxième tour. Georges Marchais s'est insurgé. Hier, dans une conférence de presse à laquelle assistait Didier Hadès, cette vision de l'élection présidentielle au premier tour n'est pas la sienne. François Mitterrand et ses conseillers sont très imprudents de lancer cet appel. Parce qu'au fond, Réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qu'il dit aux autres candidats de gauche Écartez-vous, hein? Laissez-moi tout seul. Mais il a déjà été deux fois tout seul et il a été battu. Il l'a été en 65, il l'a été en 1974 et les deux fois, ça a été la défaite. Et j'ai du mal à penser que François Mitterrand ne s'en rappelle pas. C'est d'ailleurs ce qui me donne à penser que peut-être bien, quand il lance cet appel au rassemblement des voix de gauche sur son nom, c'est moins à l'élection qu'il pense qu'à essayer d'affaiblir le Parti communiste pour avoir les mains libres par la suite. François Mitterrand s'accorde une très courte trêve pascale dans sa maison de Latch dans les Landes. Il est simplement allé ce matin faire une visite au village de vacances du Vieux-Boucau, au bord de l'Atlantique. Hier soir à Pau, il a parlé politique internationale et réduction des armements, en dénonçant, a-t-il dit, le candidat sortant qui se dit le candidat de la paix, alors qu'il est le premier marchand d'armes du monde. Il a aussi tenu à répondre une nouvelle fois à l'accusation qui lui a été lancée d'être le champion du monde des candidatures à la présidence. Le candidat sortant disait... Récemment, se dressant devant moi, le recordman du monde des candidatures à la présidence de la République, d'abord il se trompait, le recordman du monde c'est M. Reagan. Et puis après tout, qu'est-ce que ça peut faire? On me dit, mais ça fait trois fois, c'est beaucoup, et le temps passe, et vous avez vieilli. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez les autres un peu partout, là, à travers le monde. À vrai dire, pour vous dire la vérité, hein, je les trouve moi-même un peu vieux, les autres, hein. À tout seigneur, tout honneur, alors que l'échéance du premier tour se profile, laissons le mot de la fin au citoyen candidat Giscard d'Estaing. Plus que 4 jours de campagne avant le premier tour de l'élection présidentielle. Vendredi soir, en effet, prendra fin la campagne officielle. 4 jours que les 10 candidats vont mettre à profit pour convaincre les citoyens encore hésitants. Après 3 jours de trêve, le premier à reprendre la route a été hier Valéry Giscard d'Estaing. À Dax, puis à Auch, patrie de D'Artagnan, le président candidat s'est inspiré du célèbre mousquetaire pour déplorer le 9-1 de ses concurrents. Et aujourd'hui, par le hasard de la vie, je ferraille de nouveau contre 9 concurrents. Mais de même que j'ai gagné à Maastricht pour les intérêts de l'agriculture française, de même, j'ai décidé de gagner pour la France et pour les Français. Mes 9 concurrents ont commis l'erreur de prendre pour devise tous contre un. Tant pis pour eux, car il en faut plus de 9, ou en tout cas plus de 9 tels que ceux-là, pour triompher de celui qui porte l'espérance de son pays. Ma devise à moi, c'est celle des cadets de Gascogne. Un pour tous, tous pour un. Élysée 81, la campagne. Stagiaire Talia Haussmann, lecture Samuel Glomé et Nathalie Canuy. Merci aux documentalistes de l'INA et à Sophie Schleblin de la documentation d'actualité. Coordination Perrine Kervran et Marie-Vonne Abolivier. Page internet Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Prise de son Jean-Louis Deloncle, mixage Claude Niort. Un documentaire de Christelle Le Polotec et Anne Fleury. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter en cherchant les 500 signatures, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret.